âme on se mêle à l'oubli. Tu n'es qu'un rêve, une étrange douceur dans ma vie. Tu n'es qu'un rêve qui s'en va dès que vient le jour. Et j'en crève que tu ne sois pas là. Et j'en crève que tu n'existes pas. Y'a que dans mes rêves où je peux te trouver. Y'a que dans mes rêves où j'ose te toucher. Mais tu n'es qu'un rêve. Pourtant je donnerais si cher que tu deviennes une réalité dans ma vie. Mais tu n'es qu'un rêve. Comment faire pour te trouver et faire de ce rêve une réalité pour toujours. Et j'en rêve que tu ne sois pas là. Dans ma vie, tu n'es qu'un rêve qui s'en va dès que vient le jour.